droit dans le mur. Rien n'est moins sûr. On attend la cassure, la fissure, c'est sûr. Je me sens de moins en moins dur. Je perdure en emmure. Le tir de moins en moins sûr. Je délaisse ma monture. Je ne suis plus qu'une courbature. Animal contre nature. Des conflits, des confitures. Plaies, blessures. Pour rien. Et moins sûr que ma morsure. On va droit dans le mur. Rien n'est moins sûr. C'est à la monnaie qu'on carbure. Nos futurs à la vie dure. Pourtant je fais bonne figure. Je fais de mon mieux. J'assure, je camoufle mes écorchures. Je tire parti de mes fêlures. Je digère toutes mes ruptures. Je soigne au mieux ma posture. Je peaufine mon écriture. Et pour finir, pour conclure, je ne suis plus qu'une courbature. Animal contre nature. Des conflits, des confitures. Play, blessure. Pour rien. Pour rien. Rien, rien n'est moins sûr que ma morsure.